Hey, bienvenue à bière. Ben là, on joue là, c'est sérieux. Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Finish him! Puissance maximale. Vous écoutez Puissance maximale. Vous écoutez Puissance maximale. Vous écoutez Puissance maximale. Vous écoutez Puissance maximale. Vous écoutez Puissance maximale. Vous êtes à l'écoute de Puissance maximale. Listening to Puissance maximale. Shake it, baby. You're listening to Puissance maximale. Key change, mofo. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Et oui, c'est mardi. Et maintenant, que signifient les mardis? Ben oui, puissance nano pour vous, dans vos oreilles. Votre animateur et metteur en ondes pour cette émission de ce soir, Andrew Castegan. J'espère que vous allez bien en cette édition du 28 juin de Puissance Nano. La deuxième, d'ailleurs, de ce nouveau concept qui est une heure d'actualité où moi et des invités ou des concepts, ou pas des concepts, excusez-moi, des invités ou des collaborateurs ou même moi tout seul vont parler d'actualité avec vous, de différents dossiers et tout ça pendant une heure sans pause musicale pour votre plaisir. Parce que vous savez, on tient à cœur l'information de nos auditeurs et malheureusement, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus de difficultés avec le format original de Puissance Maximale, donc ça a été un petit bonus pour pallier à ce problème, donc on a élaboré ce concept-là pour vous, mesdames et messieurs. Donc, soirée quand même chargée en frais de nouvelles, on va avoir Kevin Lacombe de Popcorn Prise 2 qui va venir nous parler, on a réglé là, le problème de son normalement avec lui, donc on va pouvoir jaser de ses projets, peut-être même quelques petites actualités là, au niveau là, des séries télé, du cinéma qu'il a vu passer, là. Donc ça risque d'être fort intéressant. Mais avant toute chose, on tient à vous rappeler là, que Puissance Nano est dans le cadre du projet de Puissance Maximale, émission d'intérêt ludique et geek qui passe tous les jeudis de 19h à 21h. C'est un rendez-vous au www.puissancemaximale.com et également on tient à vous aviser que Puissance Maximale, oui, c'est un site web qui est en refonte, bien sûr, mais c'est également une page Facebook, donc on vous invite à aller sur Facebook et rechercher Puissance Maximale dans le haut et faire un j'aime parce que nous, mesdames et messieurs, on vous aime et c'est notre meilleure façon d'être en contact avec vous et c'est le meilleur moyen pour vous en fait d'avoir les dernières actualités au niveau là, du jeu vidéo et de tout ce qui est ludique. On a un gros groupe de collaborateurs acharnés qui travaillent à prêter les choses et dites-vous que présentement déjà que c'est un bon produit, ça va y aller qu'en s'améliorant. Et également on tient à faire un petit thumbs up, un petit bonjour à Pink Vivi, Véronique Thibault, une artiste qui aime bien, et d'ailleurs une amatrice de l'émission. Elle fait un concours présentement sur sa page artiste, un concours pour gagner une affiche de BB-8 ainsi que R2-D2 et Darth Vader. Vraiment, une artiste de talent, on l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, on va partager là, sur la page Facebook le concours qu'elle fait actuellement. On vous invite à aller aimer sa page Facebook, également de participer. C'est une artiste qui vaut la peine et elle est très présente dans le domaine des conventions. Donc, vraiment, ça vaut la peine et c'est un rendez-vous, en fait, sur sa page Facebook pour participer au concours. Donc, ça devrait se faire sous peu. On vous partagera les informations. Donc, allez-y au niveau des participations. Sinon, on va commencer en nouvelles en attendant que Kevin vienne nous rejoindre, en fait. Donc, fan de Resident Evil 5, juste pour vous aviser, Resident Evil 5 est enfin arrivé sur PS4 et Xbox One, tel qu'il a été annoncé par Capcom au courant du mois de février environ. Il y a eu une version, en fait, un rehaussement là, de Resident Evil 5 sur les consoles de dernière génération. On parle ici là, de PlayStation 4 et Xbox One. C'est un jeu, en fait, qui est disponible en version dématérialisée sur le PlayStation Store et la Xbox Live au prix de 20$. Donc, ça va vous permettre de retourner dans la peau de Chris Redfield et de participer les villes de Kijuju en Afrique afin de contrer les ordres de Majini et ainsi revivre ce jeu qui a quand même rencontré un certain succès, mais n'a pas fait l'unanimité au niveau des fans de la franchise de Resident Evil. Mais quand même un jeu qui vaut la peine. Et si vous avez la possibilité de jouer avec un ami en coopération, c'est encore mieux parce que malheureusement, l'intelligence artificielle du jeu est con comme un balai. Et ça va faire en sorte que votre coéquipier va tout le temps manquer de balles et tu finis par se tuer. Donc si vous jouez en solo, conseil, gardez le plus de balles pour vous. Et arrangez-vous pour que votre coéquipier survive avec le minimum de balles. Sinon, autre nouvelle au niveau de l'univers jeux vidéo. En fait, on va parler d'une légende au niveau de l'univers vidéoludique. En fait, depuis Red Dead Redemption, il y a beaucoup de rumeurs comme de quoi que Rockstar se serait amusé à cacher des références au niveau du Bigfoot ou du Sasquatch dans ses jeux et qu'il y avait une possibilité en fait de l'incarner ou même de le tuer ou de le rencontrer. En fait, c'est même des rumeurs qui remontent à San Andreas, si je me trompe pas, là, au niveau là, du lore de Grand Theft Auto et de Red Dead Redemption. Et imaginez-vous donc, depuis la sortie de GTA V, le mystère a été enfin percé. Imaginez-vous donc qu'il est possible, dans la version remasterisée du jeu, d'incarner Bigfoot, donc le Sasquatch si vous préférez. En fait, dans Grand Theft Auto V, un Easter Egg qui est camouflé, qui est en fait des qui est un genre de petit cactus hallucinogène caché un peu partout dans la carte. Et ça donne qu'il y en a un qui est doré, qui est accessible à un endroit bien précis, à une certaine heure de la journée, et en cas de météo brumeuse, en fait. Et si vous trouvez ce fameux cactus doré que vous l'ingérez, ben ça va vous permettre, en fait, d'incarner pendant un bref instant le Yeti au niveau là, le Bigfoot, au niveau là, d'un personnage jouable. C'est un des grands mythes, en fait, de l'univers vidéoludique qui finalement se résout, si vous me permettez, qui est de enfin pouvoir contrôler le Sasquatch. Donc, c'est une grande nouvelle, on se le cachera pas. Donc, si vous êtes curieux, une vidéo est accessible au niveau de comment faire pour pouvoir l'incarner. Donc, c'est quand même assez complexe. Je vous invite à aller consulter la page Puissance Maximale pour pouvoir voir la nouvelle. Également, vous informer que le concours de Pink Vivi est maintenant disponible sur la page Facebook. Sinon, jeu que je n'ai pas eu l'occasion encore de faire la critique au niveau de l'émission, parce que jeu très complet, le jeu Stellaris, un jeu à la saveur civilisation, qui, à l'échelle, en fait, univers, si vous voulez avoir une image, dans le cas que vous jouez à civilisation, ben vous jouez sur la planète Terre. Si vous prenez la plus grande map, on parle d'une map continentale, qui est en fait la superficie complète de la planète, ben Stellaris, ça fonctionne vraiment à une plus grande échelle, puisque vous pouvez changer carrément de galaxie. Donc, on parle d'un jeu au niveau d'une échelle stellaire avec différentes races, avec chacune leur façon de jouer. Et la micro-gestion de ce jeu-là descend même jusqu'à la construction sur les planètes. C'est sûr que vous ne contrôlez pas la construction comme une ville, mais on parle quand même d'une grande planète a tant d'espace de développement. Donc, vous choisissez qu'est-ce que vous voulez développer en fonction des ressources que la planète vous donne. C'est un jeu qui est très, très, très complexe, très complet, mais ma foi, très divertissant. Jeu d'ailleurs qui a eu un succès assez remarqué malgré les attentes là, du développeur. Qu'est-ce qu'on est bien content, parce que ça prend des jeux, plus de jeux dans ce genre-là. Mais en fait, le jeu Stellaris permet de s'offrir une mise à jour 1.2, mise à jour nommée Asimov, qui est en auteur un grand auteur de science-fiction. Ce patch entend corriger plusieurs petits défauts de jeu de base tout en apportant de nouvelles fonctionnalités. Donc, au niveau des corrections, on parle ici correction de bugs, comme on a mentionné. Également, au niveau des nouvelles fonctionnalités, on parle d'une amélioration au niveau de la diplomatie. Jeu quand même, les jeux de stratégie dans ce genre-là, comme Civilization, Total War, encore comme franchise que j'aime bien, un des gros défis que ces franchises-là ont, c'est justement le fait que le système diplomatique est très compliqué à programmer au niveau de l'intelligence artificielle et même des fois devient prévisible. Donc ici, à ce niveau-là, le Stellaris parle d'une amélioration de diplomatie au niveau des ambassades qui peuvent modifier les croyances, les frontières sont maintenant ouvertes à tout le monde par défaut, les incidents diplomatiques fait en sorte okay. OK, je viens d'avoir des commentaires comme de quoi que ça sonne très underground et que ça coupe. En fait, s'il y a d'autres personnes qui peuvent me le confirmer et qui écoutent actuellement l'émission, ça me permettrait de me donner une idée. Moi, de mon côté, ça ne coupe pas actuellement. Donc, ça serait bien que vous me le confirmiez. Sinon, Christian, désolé si c'est le cas pour toi, mais pour l'instant, j'ai pas eu de commentaires à ce niveau-là. Donc, au niveau de Stellaris, comme je mentionnais, on parle ici en fait de nouvelles fonctions diplomatiques qui vont faire en sorte que l'intelligence artificielle va devenir moins prévisible au niveau là, justement là, des fonctionnalités et des décisions en fait que l'intelligence va pouvoir prendre là, au niveau du développement des relations diplomatiques que vous avez avec votre nation. Sinon, également des améliorations au niveau là, du visuel. On parle en fait des plus beaux effets de lumière au niveau des systèmes solaires, au niveau des backgrounds. Les vaisseaux, les batailles spatiales vont être plus jolies également. On parle aussi de 3 nouvelles cartes qui vont augmenter le support des mods. On parle quand même de beaucoup de choses, des changements éthiques, des changements sur les types de gouvernement, un retravail complet des factions esclaves, une affaire qui s'appelle un boost de crise de fin de partie. Donc, vraiment, Stellaris, excellent jeu, je vous le recommande à 100% si vous êtes fan du genre. D'ailleurs, vous avez les ventes Steam jusqu'au 4 juillet. Le jeu est en vente actuellement sur Steam au prix de... Ça aurait bien à donner si je l'aurais eu en face de moi. Je vais vous dire ça. Stellaris, qui est un jeu en vente à 39,59. Donc actuellement, vous avez le droit à un 10% de rabais pour l'achat du jeu. Mais je vous dirais sérieusement, ça vaut la peine d'investir le 40$ sur ce jeu-là. Je vous le dis sans aucune hésitation. C'est un des meilleurs jeux, à mon avis, ces temps-ci de l'année dans le genre. C'est vraiment un must. Sinon, pour continuer, System Shock, il va y avoir une version remaster du jeu qui est en planification, en fait, qui va arriver sur Kickstarter d'ici quelques heures. On parle vraiment d'un reboot complet. Pour vous mettre en situation, System Shock est un FPS qui est paru sur PC et Macintosh en 1994, qui a été développé par Looking Glass Studios, a été vraiment un jeu qui a marqué l'histoire du first-person shooter par simple principe qu'il avait une trame narrative assez particulière. En fait, si vous voulez vous donner une idée, BioShock est en fait le successeur spirituel de System Shock d'un certain point de vue, de par sa narration et de par sa méthode de jouer. C'est un jeu first-person shooter rappelant également certains éléments de RPG au niveau des points de vie, au niveau des skills, au niveau des pouvoirs. C'était quand même très impressionnant. Pour vous donner une idée, il va y avoir un Kickstarter fait par Night Dive Studios qui compte en fait racheter les droits pour pouvoir faire un remaster de System Shock qui serait un reboot également. Le jeu, si la campagne est un succès, le jeu serait attendu en fait au courant de l'année 2017 sur PC, Macintosh et Xbox One. Donc un jeu à surveiller. Je vais vous partager également le lien au niveau de Facebook pour vous permettre de voir le démo, une vidéo d'à peu près 8 minutes du Let's Play. Donc, ça risque d'être quand même très intéressant. Donc, titre à surveiller. Et si vous avez quelques sous, je vous recommande grandement d'investir un montant là, au niveau là, un montant au niveau là, du Kickstarter. Donc, on m'a dit que la qualité est moyenne. Je m'en excuse. Ça se peut que ce soit mon micro ou mon fil ou whatever. Je vais essayer de régler ça rapidement. Je pense avoir une idée de qu'est-ce qui cause ça. On va descendre ça ici, comme ça. Donc, j'ai baissé ça comme ça. Vous me direz si c'est mieux, si ça a amélioré la qualité. Sinon, j'en suis désolé. Moi, de mon côté, je ne l'entends pas. Fait que je ne pourrais pas dire la qualité, qu'est-ce qui arrive. Donc, au pire aller, la qualité podcast sera meilleure. Donc, c'est malheureux, mais je ne peux pas vraiment faire grand-chose à ce niveau-là. Donc, sinon, autre nouvelle, si vous êtes encore fan... si vous êtes fan de Skyrim, en fait, il y a un mode très très attendu qui s'en vient, qui s'appelle Enderal, qui devrait sortir là, au début du mois de juillet. Juste pour vous donner une idée, si vous êtes joueur sur PC de Skyrim, ou sinon vous attendrez l'édition spéciale de Skyrim au niveau du mois d'octobre pour pouvoir y jouer. La sphère du modding sur PC est quand même très très intense par simple principe. Que c'est assez incroyable les choses qui peuvent sortir au niveau là, du modding. Et un des éléments incroyables, c'est exactement les quêtes supplémentaires qui peuvent être créées. Et également, de ce fait même, les nouveaux chapitres, les nouvelles cartes qui peuvent être faites. Et Enderal en est un qui est très, très attendu, qui est fait par une équipe qui s'appelle Sur AI. Et ils ont déjà développé pour Oblivion un mode. On parle en fait d'un mode qui risque malheureusement d'être payant, mais qui va être offert gratuitement du 1er au 3 juillet dans sa version originale allemande du jeu. C'est un mode qui devrait rajouter approximativement une dizaine d'heures au jeu. C'est une production quand même de très haute qualité qui va vous permettre de rajouter beaucoup de contenu qui respecte quand même le lore de Skyrim. Malheureusement, c'est sûr qu'on ne pourra pas bénéficier du lancement gratuit le 1er et 3 juillet, puisque le jeu ne sera pas disponible en anglais. Il va falloir peut-être attendre quelques semaines de plus pour avoir notre version gratuite. Pas gratuite, mais traduite, et il faudra voir si effectivement ils vont faire la même offre au niveau là, des joueurs anglophones, si on va pouvoir avoir le mode en version gratuite. Mais vraiment, prenez la peine de regarder le trailer qui est dans l'annonce pour pouvoir voir en fait là, la qualité de production de ce mode-là. C'est assez impressionnant, merci. La qualité de production qui a été faite. Donc, je vous dirais là, que c'est un must à regarder. Et si vous avez la possibilité d'y jouer, pourquoi pas? Et ça va être à regarder à ce niveau-là. Donc, sinon, tant qu'à parler de Skyrim, et on a aussi plusieurs rumeurs qui avaient circulé au niveau là, de post-E3, en fait, comme de quoi que Elder Scrolls 6 était en développement, mais ne l'était pas, et que là, puisqu'il y avait le remaster de Skyrim, est-ce qu'il fallait comprendre que Elder Scrolls 6 n'allait pas arriver prochainement, ou il allait arriver prochainement? Je vous dirais qu'il y a, pour l'instant, c'est statu quo. Qu'est-ce que Bethesda ont fait? C'est qu'ils ont commencé à parler au niveau là, de Fallout 4 et Doom, comme de quoi que les joueurs attendaient beaucoup là, de la nouvelle série de Scroll, puisqu'on s'en est déjà parlé, Fallout 4 est assez impressionnant en frais de technique, et Doom, on n'en parlera pas, là, c'est un jeu qui est dans ma wishlist, et je le veux atrocement, parce que justement, c'est un des gros jeux que j'attends. Disons que les équipes de développement de la société américaine actuellement ont dit qu'ils ne travaillaient pas sur un The Elder Scrolls 6 pour le moment. C'est suite à une question en fait sur Twitter, le compte officiel, que la compagnie a répondu là, que ce n'était pas le cas. Donc, je vous dirais que à la base, il faut que vous sachiez que l'éditeur nous avait déjà habitués à des séparations de 5 ans à peu près maximum entre les titres, mais que cette fois-là, ça risquerait d'être un peu plus, parce que justement, Skyrim a eu un bon succès, Fallout a eu un bon succès, Doom a eu un bon succès, le reboot de Wolfenstein également. Donc, Bethesda veulent s'assurer d'offrir quand même un haut niveau là, de qualité au niveau là, du prochain épisode de Elder Scrolls, donc il va falloir s'armer de patience avant d'avoir un nouveau chapitre. Mais bon, qui sait, peut-être qu'on va avoir justement un regain des mods, comme je disais avec la Special Edition de Skyrim. Également, la Special Edition de Skyrim va emmener la sphère mod sur les consoles. Donc, qu'est-ce qui va emmener un autre aspect très intéressant au niveau là, de la sphère Skyrim, qui va probablement gagner un second souffle au niveau du modding. Donc, ça va être à surveiller à ce niveau-là. Sinon, également, autre élément, on avait déjà abordé dans l'émission il y a quelques semaines qu'il allait y avoir un remake ou un portage, en fait, HD des trois épisodes, excusez-moi, des deux épisodes de Rocksteady au niveau là, de Arkham City et Arkham Asylum dans la série Batman. Les jeux étaient attendus quand même pour le mois prochain sous la bannière Batman Return to Arkham. Pour vous aviser que le studio a décidé finalement de repousser le remake du jeu et qu'aucune nouvelle date n'a été communiquée. Le jeu devait sortir le 29 juillet et qu'est-ce qui a été repoussé, comme je vous disais, à aucune date. Et le studio a ainsi abordé le sujet en disant « Après avoir analysé le progrès du projet, l'équipe et Warner Bros. Games ont décidé de reporter Batman Return to Arkham afin de donner à l'équipe de Virtuous Game du temps supplémentaire pour livrer une expérience de jeu. Batman Arkham mieux finalisé. Nous n'avons pas de nouvelle date de lancement pour l'instant, mais soyez sûrs que nous vous communiquerons dès que nous serons sûrs que le jeu sera prêt. » Je vous dirais que déjà au départ, il y avait déjà eu des images de teaser qui étaient sorties justement pour montrer la qualité graphique du portage vers les consoles next-gen. Et ça ne faisait pas l'unanimité puisque l'éclairage avait été revisé à la hausse. Et également, il y avait eu des changements de palette de couleurs pour des choses plus vives et plus claires. Donc, ça avait déjà pas fait l'unanimité là, au niveau du portage. Est-ce que c'était pour reviser ces éléments-là? Également, on avait eu des images comparatives de la version PS3 avec la version PS4. Et il y avait beaucoup d'éléments que même la version PS3 était plus belle et mieux détaillée et mieux finie que la version sur les consoles next-gen. Qu'est-ce qu'on s'entend est quand même inacceptable au niveau là, d'un produit qu'on s'attend d'un portage HD. Là. Donc, je vous dirais, je vois pas ça d'un mauvais œil. Je vous dirais que c'est peut-être pour recentrer le développement, s'assurer d'offrir un produit de qualité aux joueurs. Donc, je vous dirais là, que c'est quand même une bonne chose. Je vous dirais que c'est un bon plan. Il resterait juste à voir la qualité finale, si ça va être là. Mais je vous dirais que, normalement, c'est de bon augure là, quand ils font ce genre de choses-là. Surtout que ici ils disent que c'est pour prendre le temps d'ajuster malgré les suite aux réactions vives sur Internet. Pourquoi pas? Ensuite, après plusieurs nouvelles qui avaient été circulées sur Internet à propos d'un film Minecraft, ça aurait été confirmé. En fait, ça fait 2 ans que les rumeurs circulent comme de quoi qu'il y aurait un fameux film de Minecraft en élaboration. Mais en fait, Mojang nous ont fait l'annonce qu'un film Minecraft sortirait dans les salles IMAX et 3D le 24 mai 2019. Donc, c'est quand même assez loin. On parle encore de 3 bonnes années avant la sortie d'un film. Mais il faut dire aussi que les 2 scénaristes et réalisateurs et le réalisateur initial avait quitté le navire en cours de route, que d'ailleurs ce dernier-là avait été remplacé par Rob Melhelny qui a fait It's Always Sunny in Philadelphia en juillet dernier. Donc c'est une élaboration de film quand même assez houleux, quand même assez long, mais je vous dirais que pour l'instant aucune information n'est sortie au niveau du film ou de son scénario. La seule chose qu'on sait, c'est que Warner Brothers et Mojang semblent pas vouloir l'abandonner et croient son potentiel et que la production continue bon train maintenant que c'est reparti depuis juillet. Sinon, autre nouvelle, Overwatch, jeu phare en fait actuellement de Blizzard au niveau du MOBA First Person, parce que c'est pas exactement un MOBA, c'est pas exactement un Team First Person Shooter, c'est un heureux mélange des deux parce que chaque personnage a une faculté différente. Ben, imaginez-vous donc que Overwatch aurait dépassé League of Legends dans les cybercafés coréens. Je sais pas si vous le savez, mais le e-sport et tout ce qui est jeu informatique est quand même très fort en Corée du Sud. C'est une des plus grandes terres d'accueil de l'e-sport en fait depuis l'arrivée de StarCraft en 1998. Donc, vous comprendrez que c'est pas une grande surprise, en fait, que le FPS de Blizzard serait passé devant League of Legends à 29,56% contre 28,33% d'utilisation dans les cybercafés. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et d'après les analystes, en fait, qui regardent le e-sport au niveau là, des tendances internationales, il faut s'attendre à ce qu'Overwatch augmente quand même considérablement une fois là, que son entrée dans une fois que l'entrée en fonction du mode compétitif va se faire d'ici la fin du mois, parce que c'est le gros manque d'Overwatch actuellement, c'est que vous n'avez pas de mode compétitif. Donc, une fois que ça va être lancé, à mon avis, Overwatch va se faire une place dans le monde très fermé de l'e-sport et va ainsi exploser là, au niveau des utilisations sur les ordinateurs de web café. Donc, ça va être à surveiller. Et juste pour vous rappeler que Overwatch est disponible depuis le 24 mai sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Autre nouvelle, franchise très violente, très cool, qui a fait son apparition, en fait, son retour, en fait, sur Xbox, mais date de la NES, Ninja Gaiden. Des rumeurs, en fait, seraient... qu'un nouveau Ninja Gaiden serait en cours, un Ninja Gaiden 4. Chose à savoir avec Ninja Gaiden, le 1 avait eu quand même un bon succès, avait eu une édition Black sur Xbox pour baisser le niveau de difficulté parce que c'était un jeu atrocement dur. Il y a eu la version Sigma sur PlayStation 3 également qui a eu un bon succès. Vous comprendrez que le 2 également. Le 3 a eu un succès un petit peu plus mitigé. Mais ça restait quand même un très bon jeu hack and slash avec un univers quand même très intéressant au niveau là, de Ninja Gaiden. Mais en fait, chose à savoir, c'est qu'il y a un tweet qui est sorti de Gaiji Yamagishi, un compositeur célèbre du milieu vidéoludique, qui a écrit « Je suis heureux de vous annoncer que je travaille actuellement sur un nouveau projet lié à Ninja Gaiden. Je serai capable de vous donner plus d'informations en juillet. » Et je vous rappelle que juillet approche à grands pas. On arrive en juillet dans 3 jours. Donc, ça m'étonnerait que le 1er juillet, il fasse l'annonce officielle, mais ça approche, ça approche. Et donc, je vous dirais là, que ça risque quand même d'être intéressant. Sinon... il y aurait certaines rumeurs que si c'est pas Ninja Gaiden 4, que ça serait peut-être des versions remasterisées des 3 jeux déjà sortis, mais portées sur les nouvelles consoles next-gen, donc PS4 et Xbox One. Je vous dirais un ou l'autre, je vais être très content parce que je veux jouer à Ninja Gaiden. C'est excellent comme jeu et je vous le recommande grandement. Sinon, autre petite nouvelle, un nouveau... non, pas celle-là ici... Oups. Excusez-moi, j'ai un petit problème de navigateur. Voilà. Donc, au niveau de... On va reparler encore une fois de Zelda Breath of the Wild. Vous avez sûrement remarqué, en fait, dans le trailer, il y a beaucoup d'éléments qui sont sortis dans le trailer, si vous n'avez pas remarqué. Mais il y a une des choses qui est les différentes tenues de Link. En fait, vous avez sûrement vu qu'il y avait une tenue de Link où il était dans une tunique bleue quand il est avec son arc pour se battre contre une géante araignée. Mécanique, mais on a aussi vu Link arborer une armure complète, donc une full plate armor, donc tous ces habits-là vont voir des différences, donc il y a quand même quelques éléments qui sont sortis et qui vont comme suit. On apprend déjà que si Link portait sa tenue bleue durant la présentation faite à l'E3 2016, c'est en réalité pour assurer une continuité avec le premier trailer dévoilé il y a 2 ans. Elle aura également une importance scénaristique toute particulière, mais ce ne sera certainement pas la seule tenue du jeu. Donc, une des informations qui est sortie, Link obtient cette tenue bleue à un moment très important de l'histoire et nous avons aussi montré une armure que vous pouvez obtenir. Mais il y a aussi des moments où Link s'aventurera dans le froid et vous aurez besoin d'un équipement approprié. Donc, il y a vraiment beaucoup de types différents de vêtements qu'il peut porter. Donc, vous comprendrez qu'il va avoir un aspect quand même un peu survie, entre guillemets, que si vous allez dans le nord polaire et que vous n'êtes pas habillé adéquatement, ben attendez-vous pas à ce que vous n'ayez pas des malus. Donc, également... Si on parle encore du froid, il a été mentionné que si vous allez dans une zone froide et si vous buvez le bon type d'élixir, vous pouvez être à moitié nu et tout ira bien. Donc, il y a également un aspect magie. Donc, on a vraiment un aspect RPG plus développé, en fait, qu'est-ce qu'on a déjà vu dans les anciens opus, dans le fond, dans les anciens volets de la franchise. Donc, ça fait en sorte que ça va amener une autre mécanique de jeu qui risque d'être, ma foi, très intéressante. Donc, est-ce que nous allons avoir la possibilité, exemple, d'aller dans un volcan avec Zelda, et mettons qu'on ne veut pas avoir trop chaud, est-ce qu'il va avoir un type de tenue spéciale, magique, ou encore est-ce qu'on va être en mesure de d'enlever du linge, en fait, être plus léger pour éviter d'avoir des malus de chaleur, pouvoir courir plus longtemps, des choses comme ça. C'est toutes des choses, ma foi, très intéressantes qui vaut la peine d'être vérifiées. Donc, ça vaut quand même la peine, je vous dirais. Donc, sinon, au niveau... Au niveau de d'autres nouvelles, une petite nouvelle rapide, tant qu'à parler de Zelda, on va parler de Harvest Moon, jeu quand même très populaire auprès de plusieurs personnes. Ben, en fait, un nouveau Harvest Moon qui va sortir sur nos tablettes, qui est Harvest Moon Sky Tree Village, jeu qui a été daté pour automne 2016 pour les États-Unis. Si vous ne connaissez pas Harvest Moon, en fait, c'est un jeu où vous gérez votre ferme, vous jouez un fermier ou une fermière, et vous devez rentabiliser votre ferme. Mais il y a ici aussi d'autres éléments des RPG, dont une trame narrative. Il y avait une fois où vous avez sauvé les saisons, vous avez une autre fois où c'était pour sauver une ville, un cirque, ou tout dépendamment du volet que vous avez. Et il y a un aspect dating sim, un peu en quelque sorte, où vous pouvez vous marier et ainsi courtiser homme ou femme de la ville, selon le sexe que vous jouez, pour avoir une famille et être heureux au niveau là, de la ferme. Et c'est toutes des possibilités. Et ce jeu-là, en fait, comme je vous disais, devrait sortir en 2016 au niveau de la 3DS. Donc, fan de Harvest Moon, titre à surveiller pour automne 2016. Donc, ça a été officialisé. Et également, juste pour mentionner, parce que je sais qu'il y en a des Français aussi qui nous écoutent au niveau là, de puissance nano et de puissance maximale. Pour vous, les Europes, le vieux continent, le jeu est prévu pour le printemps 2017, donc un petit peu plus en retard, mais vous allez l'avoir. Ne vous découragez pas. Sinon, propos qui a surpris plusieurs personnes, en fait, vous savez, à Puissance Maximale, on aborde souvent plusieurs sujets, dont le piratage sur ordinateur. Je garderai peut-être le débat ou le sujet pour un autre nano, mettons que vous voulez, vous pourrez m'en faire parvenir des commentaires sur la page de Puissance Maximale. Un des sujets de conférence qu'on fait en convention et qu'on aborde souvent à l'émission, c'est le concept de piratage responsable. Donnez-moi juste quelques petits instants, je vais juste reprendre une petite gorgée. Qu'est-ce que le piratage responsable? En fait, pour vous donner l'information, c'est que il avait été déterminé par Forbes Magazine et plusieurs analystes financiers que la console la plus viable pour le jeu vidéo était en réalité le PC, par simple principe que le PC a qu'est-ce qu'on appelle le piratage responsable. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il a été déterminé qu'un joueur qui pirate un jeu PC va finir à un moment ou un autre par acheter le jeu, que ce soit par un Humble Bundle, un Steam Sales ou un Origin Sales ou peu importe le bundle qu'il va acheter. Un jeu PC va bien porter, bien sûr, va au final rapporter plus d'argent que le marché de la console. Le seul problème, c'est que le marché du PC prend plus de temps à rentabiliser un jeu, mais d'un autre point de vue, c'est plus ou moins vrai, parce qu'en réalité, c'est juste parce que le bassin de joueurs est un petit peu plus bas, et ce n'est pas forcément le coût de production qui fait en sorte que ça soit plus cher, puisque le PC est maintenant rendu dématérialisé, et c'est quand même fondamentalement accepté. Donc, qu'est-ce qui arrive, en fait, c'est que sur PC, les ventes des jeux vont quand même bien, mais l'autre type de fléau qui roule actuellement, c'est les plateformes de revente. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous avez les sites principaux comme Steam et des choses comme ça qui vendent des jeux, mais vous avez aussi des sites indépendants, comme exemple G2A, qui est un site de revente, un revendeur en fait de licences de jeux. Bien que G2A est sensiblement impliqué dans plusieurs éléments de l'univers vidéoludique, comme exemple Hitbox ou d'autres systèmes de diffusion, ou quand vous abonnez à un streamer, ben vous avez un coupon rabais sur le site. Reste que G2A offre des licences Steam des fois moins chères que qu'est-ce que Steam l'offre ou de d'autres éléments ou comme le Humble Bundle. Et beaucoup de gens en fait critiquent les pratiques de ce magasin-là en disant que ça serait en fait un revendeur douteux qui encouragerait le marché noir. Donc on parle ici de licences obtenues de façon non légitime, soit par le piratage ou soit par l'achat en lot massif sur des lots de charité pour ensuite revendre les clés à plus haut prix. Donc c'est des choses qui sont pas prouvé, mais quand même très soupçonné. Et en fait, un studio a été s'est prononcé là-dessus. En fait, le studio Rage Squid a d'ailleurs été d'une déclaration assez fracassante. On parle ici là, du fondateur, là, M. Lex Dickrow, qui a déclaré « S'il vous plaît, téléchargez le torrent de mon jeu au lieu de supporter des revendeurs douteux. Je vous donnerai même le lien de téléchargement. Je comprends que les gens ne puissent pas payer le prix fort, mais les voir jouer à mes jeux est la chose la plus importante pour moi. Prenez donc le torrent au lieu de mettre votre argent dans les mauvaises mains. » Déclaration qui a quand même choqué plusieurs. T'sais, c'est rare qu'on voit un fondateur d'un studio en fait dire « Écoutez, t'as qu'à acheter mon jeu sur un site douteux qui le vend moins cher. » Ben piratez-le, ça va moins me déranger. Donc là, il y a le site web le PC Games N qui a décidé de contacter là, M. Dickrow pour clarifier ses propos. Et il a été ensuite par la déclaration « Nous pensons cela pour plusieurs raisons. La première est que nous faisons des jeux pour amuser les gens. Nous voulons les voir jouer à ce que nous avons fait et nous voulons les voir passer du bon temps. C'est pour cela que nous n'avons aucun problème avec les gens qui piratent nos jeux. Surtout si l'alternative est de ne pas jouer du tout au jeu. Nous croyons que le piratage n'est pas mauvais du tout. Si quelqu'un pirate notre jeu, l'aime et dit à ses amis « Ce jeu est génial, vous devriez l'essayer. » Ses amis qui pourraient ne jamais avoir entendu parler du jeu pourraient y jouer et peut-être même l'acheter, ce qui est bon pour nous. Nous préférons qu'un joueur pirate le jeu plutôt que d'acheter une clé sur G2A parce que nous pensons que G2A et les sites de vente similaires facilitent une économie du marché noir. Donc, déclaration qui a fait quand même un méchant tollé là, au niveau là, des concepteurs de jeux, mais quand même a quand même certains partisans, parce qu'il faut rappeler en fait qu'un autre studio avait fait une sortie semblable au niveau là, de ça, qui était Tiny Build, qui était parti en croisade là, contre les sites de vente de clés. Donc, je vous dirais, c'est un des éléments, effectivement, là, qu'on a beaucoup martelé au niveau là, de PM. On aime beaucoup, en fait, faire l'achat de jeux sur des plateformes comme Good Old Games, Steam, Humble Bundle, parce qu'on sait que, oui, ben des fois, ils font des ventes et des choses comme ça, mais l'argent va aller aux développeurs. Et c'est des choses qui sont quand même très importantes. Je comprends le souci d'économie, mais on a toujours parlé, au fait, de puissance maximale, que le piratage au niveau là, du jeu PC, ce n'est pas tant le pirater et ne jamais acheter le jeu au final, c'est de le pirater, l'essayer, si vous aimez le jeu, attendez une vente, attendez, même si le jeu descend à 90% de rabais, puis vous allez payer 5$ pour le jeu, c'est pas grave, c'est un 5$ qui va se rendre à vos développeurs pour y dire, écoute, ce jeu-là, il m'a donné du bon temps, good job. Et c'est ça qui devrait être important au niveau du piratage, au niveau du que ce soit pour la musique ou les films ou quoi que ce soit, je vous dirais que ça serait la bonne attitude à avoir. Et je vous dirais que ça me fend un peu d'entendre du monde argumenter sur le piratage en disant « Moi, je pirate tout, c'est une industrie qui a beaucoup d'argent et qui je ne dois aucun argent, il me doit tout, donc moi, je vole, entre guillemets, qu'est-ce qu'il a fait sur Internet et je ne m'en soucie pas. » Ce genre de comportement-là emmène des lois, emmène des mesures qui font en sorte que la liberté sur Internet finit par être bafouée et on a de plus en plus de systèmes d'audits qui fait en sorte que on peut recevoir des pénalités, en fait, au niveau du final. Lorsqu'on pirate. Et je vous dirais que quand vous êtes quelqu'un qui pirate sans calculer, en se foutant un peu en quelque sorte de tout ça, soyez pas surpris qu'au final, vous ayez ces genres de pénalités-là dans vos navigations et dans vos achats de jeux avec des DRM et des protections de plus en plus agressives. Et je vous dirais, un des marchés qui est le plus contrôlé à ce niveau-là, c'est le marché de la console, qui fait en sorte que si vous piratez un jeu, vous êtes rendu que vous devez faire une modification au niveau de votre console. Si cette modification-là est détectée, vous êtes banni des systèmes en ligne. Et quand vous êtes banni des systèmes en ligne, on se le cachera pas, un pirate qui s'est fait pincer sur console ne rachètera jamais un jeu pour sa console parce qu'il pourra jamais y jouer en ligne parce qu'il a été banni et son compte a été flagué. Tandis que sur PC, actuellement, on est chanceux, vous pouvez pirater un jeu, à la limite, vous ne pourrez pas jouer en ligne, mais vous allez pouvoir au moins profiter du jeu en solo et par la suite faire votre propre tête et décider si vous l'achetez ou pas. Et je vous dirais, on le répète à chaque fois, acheter c'est voter. Si vous faites juste télécharger les jeux, les pirater et jamais au grand jamais acheter un jeu pour encourager le développeur, lui indiquer en fait que le produit qu'il a fait c'est sur la bonne voie de l'expérience vidéoludique que vous voulez. Jamais l'industrie va changer pour refléter qu'est-ce que nous, en tant que joueurs, on veut. Donc, je vous dirais que The Crow, qui a fait cette déclaration-là en disant « Le piratage n'est pas mauvais du tout parce qu'à la limite, c'est une pub pour lui », je suis tout à fait d'accord parce que la personne qui a piraté le jeu, les amis à qui il en a parlé, qui ont peut-être piraté le jeu ou peut-être acheté, ben c'est toujours une vente de plus. Et comme on dit, parlez-en. En bien ou en mal, mais parlez-en. Donc, je suis content de savoir qu'un studio ne voit pas le piratage comme quelque chose de mal. Et ça serait bien que s'il y a des gens qui écoutent présentement l'émission et qui font du piratage et qui n'achètent jamais de jeu, comprennent que c'est en faisant le geste, à un moment donné, d'encourager ce genre de développeurs-là, en achetant leur jeu, qui fait en sorte que leur mentalité va rester noble et correct envers le piratage. Ils ne mettront pas des DRM, ils ne mettront pas des éléments qui vont vous empêcher d'être propriétaire de votre jeu. Sur ce, c'était un très grand volet sur le piratage, mais déclaration choc qui attire tout mon respect au niveau de Lex DeGrow. Et ça devrait être pareil pour vous. Et je vous dirais que si vous avez une occasion, le studio a fait un jeu qui s'appelle Action Inc., qui est un petit jeu de parcours, en fait, où vous devez faire du time attack pour traverser le parcours le plus rapidement possible. Jeu qui est sorti sur console next-gen, donc on parle de PlayStation 4, Xbox One, Wii U, la PlayStation 3 également, la Vita et le PC, qui est un jeu dans la catégorie quand même très abordable, puisque c'est fait par un studio indépendant qui est actuellement à 6,79$, donc c'est donné à ce prix-là, car en plus, il a la vente du Steam Sale à 60% de rabais, donc si vous l'avez piraté, vous avez apprécié le jeu, pourquoi pas l'encourager, un petit achat. D'ailleurs, juste pour vous dire, il a présentement eu 91% d'appui positif sur Steam, donc c'est un jeu qui vaut la peine d'être essayé, c'est divertissant, c'est un petit jeu qui brûle le temps, donc pourquoi pas l'essayer. Sinon, au niveau des autres nouvelles qui a fait beaucoup jaser en fait au niveau là, des sphères vidéoludiques, et c'est bien sûr l'annonce de Skyrim Special Edition. Et la chose qui a fait jaser en fait, c'est que la Special Edition de Skyrim va être offerte gratuitement aux joueurs PC, alors qu'elle va être vendue plein tarif pour les personnes PlayStation 4 et Xbox One. Ça a bien sûr suscité la grogne de plusieurs joueurs, on ne se le cachera pas. Certains auraient voulu avoir un jeu à tarif réduit. Mais ce n'est pas le cas. Donc, Bethesda, en fait, ont tout simplement confirmé que sur PC, ça aurait été tout simplement impensable de sortir le jeu à plein prix, pour simple principe que le trois quarts du contenu que le jeu va avoir, c'est du contenu que la version PC avait déjà. Et également, c'est des choses que bien des mods font déjà. Alors qu'actuellement, les versions PlayStation 3 et Xbox 360 n'offrent pas la possibilité possibilité en fait là, de jouer avec des mods, et il n'avait pas le texture pack full HD, donc c'est d'où pourquoi que Bethesda juge que ça va être une nouvelle expérience vidéoludique, donc ils vont vouloir en fait vendre le prix parce qu'ils considèrent que c'est un nouveau jeu et non pas un vulgaire update. Donc c'est d'où la différence. Et juste pour vous mentionner, pour être éligible à la mise à jour de la version Skyrim que vous avez PC vers la version Remaster, donc la Special Edition, il faut que vous soyez détenteur de la version légendaire, donc la Legendary Edition, qui comprend tous les DLC afin de pouvoir profiter gratuitement du remake. Donc si vous n'avez pas ça, Ben malheureusement, ça ne sera pas possible pour vous d'avoir la mise à jour gratuite. Mais comme je vous dis, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui font partie du jeu déjà de base sur PC. Sinon, autre jeu très attendu, qui a été d'ailleurs un des grands absents du E3 cette année, No Man's Sky, jeu qui était prévu en fait pour le mois de juillet, qui a été repoussé. Qui avait comme pour l'instant pas une date d'annoncer, ben c'est reparti, c'était annoncé, donc le jeu devrait sortir le 10 août, en fait le 9 août, excusez-moi, au niveau là, de l'Amérique du Nord. No Man's Sky, jeu attendu sur PC et PlayStation 4. Juste pour vous dire, le directeur d'Hello Game a en effet posté un petit billet sur le site officiel pour expliquer tout ça, pourquoi là, qu'il avait retardé. En fait, Murray explique avoir tout à fait conscience que le dernier en date, le dernier retard en fait en date avait déçu et que le développement avance désormais réellement bien. Donc, pour vous donner une idée, le billet va comme suit. Vous le savez sûrement déjà, mais nous avons dû repousser le jeu qui était censé sortir en juin. Chaque jour qui passe, je suis de plus en plus sûr qu'il s'agissait de la bonne décision. Je l'ai déjà dit, mais No Man's Sky est la chose la plus dure sur laquelle je n'ai jamais travaillé. C'est encore plus gros que ce que vous auriez pu imaginer. C'est le genre de jeu qui n'a jamais été tenté auparavant, et ce, par une petite équipe qui croule sous le poids de l'attente. Et malgré tout cela, le développement avance vraiment bien. Merci beaucoup pour votre soutien et votre patience. L'univers sera à vous très bientôt. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui attendent No Man's Sky. Moi, mon jeu est déjà précommandé. Je suis hypé depuis qu'a été annoncé ce jeu-là. Je vous dirais, si c'était un mois que ça prenait pour faire en sorte que le jeu avance bien et offre l'expérience complète qu'on veut avoir et qu'on attend avoir, pourquoi pas? Je vous dirais, c'est un gros must. C'est vraiment c'est vraiment une expérience No Man's Sky. Et je vous dirais, là, c'est un jeu qui est très, très, très attendu au niveau là, du monde vidéoludique. Donc, je vous dirais là, que ça va être un rendez-vous, un titre à surveiller pour le 10 août. Je vous dirais, je vais même prendre quelques instants pour regarder si présentement il est en vente avec le Steam Sale. Ça m'étonnerait. Mais qui sait? On ne sait jamais, mais je vous dirais qu'actuellement, il n'a pas l'air. Il est toujours à 66,49. Donc, je vous dirais là, que si vous voulez là, le jeu, ça va être un rendez-vous. Sinon, j'ai des informations dans mes oreilles qui me dit qu'on a notre correspondant de loin, loin, loin qui vient nous rejoindre, Kevin de Popcorn. Je vais d'ailleurs le mettre en ligne avec nous. Bonjour, Kevin. Salut, ça va? Ça va bien, ça va bien. Je vais juste ajuster ton micro, si tu me permets. Il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, peux-tu parler un petit peu, s'il te plaît? Je peux parler un petit peu, effectivement. Je parle. J'ai la capacité de parler. J'ai ça depuis que je suis tout petit. Quoique, je parlais pas beaucoup quand j'étais petit, mais ça s'est développé avec le temps. Maintenant, ben, je suis plus comme mère. Je te dirais, Kevin, il y a encore un petit grichage, mais c'est pas mal moins pire que la dernière fois. Fait que maintenant, c'est écoutable. Good, good, good. Ben comment ça va, Monsieur Kevin? Ça va bien, toi? Ben ça va bien, je te dirais là, que t'arrives à un bon tempo, mes nouvelles commençaient à baisser pas pire. Tes nouvelles commençaient à baisser pas pire. Ouais, puis d'ailleurs, t'arrives proche de la fin, fait que ça me permet de tester un peu l'émission, mais sinon, ben Kevin, est-ce qu'il y a des nouvelles dans l'univers Popcorn? Ben il y a plusieurs nouvelles, on a fini la série, on a fini les podcasts de Game of Thrones. Qui est le dernier podcast de Game of Thrones terminé hier avec une finale, ma foi, assez merveilleuse. Là, c'est pas mal dans l'univers de Popcorn, je pourrais dire. Là. On va continuer les podcasts à tous les lundis soirs avec des films différents chaque semaine. On va faire justement la critique de films, mais plus aussi le développement et la comment je pourrais dire ça? Le développement, le jeu d'acteur, un peu, on va analyser les films plus que les critiquer, si je peux dire, chaque semaine avec justement la Ligue des Légendes. Et puis, on va continuer ça. Justement, la semaine prochaine, lundi prochain, on va commencer avec le film de Bone Tomahawk avec Kurt Russell et Patrick Wilson, qui est ma foi un film que j'adore, que j'ai découvert récemment, qui me redonnait foi en Kurt Russell, un acteur vieillissant qui n'était pas très hot dans les dernières années, dans ses derniers films, ses derniers projets. On parle ici, mettons, de Fast and Furious, qui était un peu... parce que oui, effectivement, il y a joué là-dedans, c'était dans le très mauvais. Mais Retour de Bone Tomahawk, qui est un film merveilleux, qui justement va en faire l'analyse lundi prochain, puis je vais sûrement sortir la critique ce week-end. Et puis on va recommencer le Star Wars Challenge qu'on n'a jamais terminé. Là, je connais un Pierre Contamange qui va être content de cette annonce-là. Là. Oui, parce que justement, j'ai été assez occupé dans les dernières semaines avec les deux boulots. J'ai encore deux boulots, mais là, ça se calme un peu. Donc, je vais avoir le temps de recommencer à faire des vidéos parce que ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai fait des vidéos, si je pourrais dire. Mais on continue les podcasts. Et puis là, je vais avoir un peu plus de temps libre pour faire certaines vidéos, justement, dont celui du Star Wars Challenge. Je vais aussi faire une vidéo bientôt sur ce que je pense du reboot de Ghostbusters. Ouais, du reboot de Ghostbusters. Ouais, qui n'est pas vraiment un reboot, qui est une continuité, à vrai dire, dans l'univers de Ghostbusters. Écoute, moi, je sais que jeudi dernier, on s'est amusé, on a passé la nouvelle chanson thème qu'ils ont faite, là, avec par Fall Out Boy. Ouais, j'ai pas écouté le thème, mais ça a l'air crappy. Ben, écoute, je vais me permettre d'en parler. Si tu, puis, tu sais, avant que tu écoutes le thème, tu penseras à ce que j'ai dit, en fait. Oui. C'est que tu en fait, le monde s'attend trop à ce que le thème soit identique à l'original. Les paroles sont là, mais tu sais, c'est une toune qui a été interprétée beaucoup à la sauce Fall Out Boy. Donc, okay. Tu sais, si vous avez aimé le genre, tu sais, admettons, faites abstraction de l'ancien thème, tu sais, dans le cas que tu l'écoutes, puis tu fais abstraction du thème original, là, que tu prends l'œuvre comme de quoi de parfaitement nouveau et original, OK? Oui. C'est pas exceptionnel. Mais c'est pas aussi crappy que le monde y parle. C'est à même calibre que la toune qu'ils ont faite de Big Hero 6. C'est dans les mêmes genres. C'est du genre Fall Out Boy. Oui. Ben, c'est parce qu'il y a un problème un peu avec ça. Puis justement, je vais en parler justement de quand je vais parler de Ghostbusters. C'est le problème des reboots. Puis le problème des continuités des vieilles. Des IP, des intellectual properties, là, qu'on appelle les propriétés intellectuelles, comme Ghostbusters. Le problème, c'est que il y a un antécédent qui est quand même assez fort. Justement, là, on parle, mettons, ici, de la toune de Ghostbusters, le thème principal. L'antécédent est quand même assez fort, puis même les générations qui n'ont pas écouté le film reconnaissent la chanson. Puis reconnaissent justement la thématique de Ghostbusters, Who You Gonna Call, puis l'espèce de tune rythmique qui vient derrière de ça. Même si tu n'as pas vu le film, même si tu es tout jeune, tu as 14-15 ans, tu reconnais le son de Ghostbusters. Puis ça, c'est réinterprété puis changé pour un peu l'actualiser, si je pourrais dire. Mais le problème, c'est que justement, on ne peut pas faire abstraction de ce qui s'est passé auparavant. Puis oui, la tune est sûrement pas si mauvaise que ça. C'est sûrement justement qu'on en fait un déboire vraiment intense sur Internet, justement, parce que c'est quelque chose qu'on adore, qu'on a transformé, qu'on a essayé de mettre au goût du jour, mais c'est parce que c'était pas nécessaire non plus de le faire. Ben, ça, je suis plus ou moins d'accord avec toi là-dessus. Par simple principe que s'il aurait voulu réutiliser le thème original, ben, je te rappelle qu'il y a eu un gros débat juridique là-dessus que le studio a perdu. Comme de quoi que le thème avait été plagié d'une autre chanson. Oui, ça je veux dire. Fait que ils se sont retrouvés devant le fait où il n'y avait pas le choix de changer de chanson, en fait, là, déjà à la base. Là, ouais, je comprends ça, puis je veux dire, c'est pas mauvais, je veux dire. Mais ça reste que, au lieu d'essayer de faire quelque chose de similaire, on devrait aller dans une direction complètement nouvelle. Justement, le nouveau film de Ghostbusters, ça se trouve pas à être un film. Parce que si vous regardez Ghostbusters, c'est un film qui est quand même sérieux, qui a énormément de blagues, qui se prend pas vraiment au sérieux, mais c'est un film qui est quand même sérieux. C'est pas pour dire que c'est un drame ou quoi que ce soit, mais c'est pas, à la base, ça se veut pas être juste une comédie. Ça se veut être plus que ça, ça se veut être une histoire un peu loufoque, mais c'est pas une comédie. T'sais, on pourrait dire la même affaire justement des films de Peter Jackson avec Lords of the Ring. C'est pas une comédie, mais il y a des blagues là-dedans. Tout ce qui se passe avec Gimli, tout ce qui se passe avec Legolas, c'est quand même bourré de blagues. C'est un peu la même chose avec Ghostbusters, c'est que le film, c'est un film qui, à la base, oui, se prend pas au sérieux, mais qui est sérieux. Puis qu'il y a beaucoup de comédie à l'intérieur de ça, puis c'est très bien ficelé, puis c'est très bien jonglé, si je pourrais dire. Puis justement, avec le nouveau film Ghostbusters, on devrait donner une identité complètement nouvelle parce que c'est quatre actrices qui font juste ça de la comédie. C'est pas du monde qui ont fait leur preuve en tant qu'acteur. Donc, le film, ça doit être une comédie pure et dure. Mais dans ce cas-là, on devrait aller avec un nouveau thème qui va résonner de la comédie pure et dure. T'sais. Fait que ce que j'aime pas, en fin de compte, j'ai pas écouté la tune de Fall Out Boy, mais s'il y a une saveur à la Ghostbusters comme on le connaît, c'est parce que, selon moi, ça allait dans la mauvaise direction. Il aurait dû donner une nouvelle saveur, une nouvelle identité complètement différente, puis seulement garder le logo puis l'antécédent. C'est d'aller dans une direction complètement différente. Mais c'est pas ça qu'on fait, malheureusement, puis c'est un peu là que je trouve qu'on se tire dans le pied. Effectivement. Je dis pas le contraire. Non, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est une question d'opinion. C'est non, non, ben, t'es. Moi, la seule chose que je déplore un peu sur le thème, c'est que, t'es. La seule chose, en fait, qu'ils ont gardé de sensiblement pareil, c'est les paroles. Et okay. Ils font une petite référence au fameux. Là, ils font ça, mais genre. Ouais, l'espèce de jingle de Ghostbusters, là, ouais. Ouais, ça, c'est pas mal les deux éléments du thème original qui ont été conservés. Mais sinon, le reste est fondamentalement différent. Ok. Fait que. Ben écoute, je vais l'écouter, puis je serais curieux, peut-être au prochain Puissance Nano, là, je viendrai faire une apparition pour jaser un peu de ce que j'ai, justement, je pense du thème. Mais à la base, Ghostbusters, je sais qu'il. C'est ce que je n'aime pas de cette série-là, puis je vais aller en profondeur dans une vidéo bientôt, là, justement. Je vais essayer de faire ça cette semaine, là, qui va expliquer, justement, l'erreur fondamentale qu'on fait avec les reboots, puis avec. Les vieilles propriétés intellectuelles qu'on reprend, puis qu'on essaye de faire ce qu'on se rappelle, ce que le film est. Là, je sais que c'est une phrase qui ne fait pas vraiment de sens, là, mais au lieu de faire exactement comme on l'avait fait dans le temps, on essaye de porter justice à la mémoire de ce qu'on se rappelle de Ghostbusters. Ça, c'est les blagues, les jokes. On se rappelle beaucoup de ça, mais c'était pas juste ça à la base. C'était vraiment un film plus complexe que ça. Puis sinon, ben l'émission approche à la fin bientôt. Sinon, oui. est-ce que tu as quelque chose au niveau cinéma qui t'a attiré l'œil ces temps-ci, Kevin? Écoute, je suis vraiment excité pour plusieurs films qui vont sortir, dont j'en parle souvent. Il y a le Universal Monster Universe qui va débuter sous peu l'année prochaine. Ça va commencer. En ce moment, ils sont en plein tournage avec le film de la momie. Qui est avec Tom Cruise, un acteur que je n'aime pas énormément, mais qui est quand même bon dans ce qu'il fait. Puis la merveilleuse Sofia Boutella, qui a joué dans Kingsman, puis qui va jouer aussi dans le nouveau Star Trek Beyond. Ça, je suis vraiment content de cet univers-là, parce qu'on va ramener les vieux monstres. On parle aussi de la momie, Frankenstein, ben, Frankenstein's Monster, The Bride of Frankenstein, The Invisible Man, The Wolfman. On va ramener toutes ces vieilles propriété intellectuelle-là, qui était en fin de compte des films en noir et blanc là, de l'époque, mais qui était vraiment merveilleuse. Puis on va faire un univers, un shared universe, un peu comme la MCU ou la DCU avec ça. Puis ça, je suis vraiment excité de ça. Puis en ce moment, on est en plein tournage pour le film La Momie qui va débuter cette ligne de films-là. On sait aussi que Johnny Depp va jouer The Invisible Man dans son propre film. Donc, on va quand même avec des acteurs très populaires, des acteurs sérieux. Puis, j'ai vraiment hâte à la première bande-annonce qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Je suis en train de creuser le plus de nouvelles que je peux sur cet univers-là. Parce que sur toutes les espèces de gros studios qui battent pour le cinéma, Universal, c'était le seul qui n'avait pas encore de grosse franchise. Donc, le Universal Monster Universe, c'est la franchise maintenant de Universal Studios qui va débuter l'année prochaine. J'attends fortement. Je creuse Internet pour toutes les nouvelles que je peux trouver là-dessus. C'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Je vous recommande vraiment beaucoup d'aller vous abonner à Universal pour ne pas manquer les nouvelles de ça. Bon, ben merci beaucoup de ta suggestion, Kevin. Et je te dirais que l'émission tire déjà à sa fin. Merci d'avoir fait ton caméo. Au niveau de l'émission, on s'arrangera un moment donné peut-être décaler le nano d'une heure pour te permettre d'être là peut-être une émission complète, si ça peut t'intéresser. Oui, parce que c'est ça, moi, c'est un peu difficile pour moi avec le boulot de... J'arrive à peu près vers ça, 7 heures. Fait que c'est un petit peu difficile. Puis sinon, ben, on va faire une collaboration sur Twitch à la fin du mois de juillet pour amasser des fonds pour la Société contre le cancer lors du cadre du Hell Gamer le 30-31 juillet. Ça va être un rendez-vous sur les internets. On va sûrement s'arranger pour Twitcher sur Twitch et YouTube en même temps. Pourquoi pas? On pourrait checker oui, ça. Oui, c'est sûr et certain. Donc, ça va être un rendez-vous. Sinon, ben, Kevin, je te mets dans ma liste de gens qui vont sûrement réapparaître au Nano, bien évidemment, pour nous parler de films et séries télé, si ça t'intéresse. Ben oui, c'est sûr. Donc, je sais que toi, les jeux vidéo, ça te passionne énormément, là, mais tu sais, je vais te prendre ton deuxième favori, là, les séries télé, les films. Là. Ouais, les jeux vidéo, ça m'énerve. Donc, sur ce, je vous dirais, ça va être la fin de puissance nano. J'ai le réflexe de dire maximal, faut que je me watch. Puissance nano. Donc, juste pour vous rappeler, vous avez écouté bien évidemment l'émission sur le www.puissancemaximale.com ou sinon sur Mixcloud. C'est bien important de faire un favori ou un j'aime sur Mixcloud parce que nous, on vous aime. Et également, Puissance Maximale, ce n'est pas qu'un site internet, c'est également une page Facebook. Sur Facebook, vous cherchez le Puissance Maximale dans la barre de recherche et vous faites un j'aime, vous allez être au courant de toute l'actualité parce que Puissance Maximale n'est pas juste une émission de radio maintenant, c'est rendu une web radio, donc on a des projets qui s'en viennent, d'autres émissions et vous avez également le Puissance Nano là, qui roule comme ce soir. Donc sur ce, mon nom est Andrew Kassegan et je vous souhaite une bonne semaine de jeu et on se recroise pour Puissance Maximale jeudi de 19h à 21h au www.puissancemaximale.com pour votre dose de chronique et de nouvelles ludiques. Et sur ce, bonne semaine. Better get back up here. This is a song about a guy you might remember from high school. Or you might be this guy from high school, I don't know. My little harmonica. I got my 12-sided die, and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement, bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broadsword made out of cardboard, and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light, let the Dungeons and the Dragons begin. It's D&D! With the legends of yore, it's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Woo! Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm out with my girlfriend. It's D&D. Wait. Sorry. You got a girlfriend? Yeah. Yeah, I gotta. No. It's D&D! Warriors that terrify. It's D&D! Virgins till the day we Stephen Lynch, ladies and gentlemen, it's Mark Tyke.